Oui, donc alors, est-ce que les océans se réchauffent? Eh bien, effectivement, je vais essayer de voir si ça fonctionne ici. Vous avez ici sur ces deux graphiques l'évolution du contenu thermique de l'océan. Donc, c'est une façon de mesurer le réchauffement sur 300 mètres de profondeur, donc les 300 premiers mètres de la colonne d'eau. Et que ce soit pour l'hémisphère sud, l'hémisphère nord ou l'océan mondial, dans l'Atlantique, c'est la même chose, hein, on observe bien un réchauffement de la température des eaux. Donc ce qui est vrai pour l'atmosphère, pour l'air, est vrai aussi à l'échelle des océans. Ça marche. Donc la question ensuite est de voir quelles sont les conséquences pour les organismes qui vivent en mer. Est-ce que ça a un effet sur la répartition des espèces, sur leur abondance, sur leur biomasse? Alors on a une connaissance un petit peu, je dirais, anecdotique. En premier lieu, des conséquences de ce réchauffement, avec par exemple le signalement régulier dans les journaux, dans la grande presse, donc ici en Angleterre, le signalement de plus en plus fréquent d'espèces tropicales qui sont signalées donc dans les eaux d'Europe du Nord, hein, donc en Angleterre ici, jusqu'à une tortulute ici qui s'est échouée sur une plage du sud de l'Angleterre. Sachant que jusqu'à il y a quelques années, la tortulute, certes, effectue des migrations et remonte un peu au nord, mais ne dépassait jamais donc en fait l'isotherme 16 et donc n'arrivait jamais plus au nord, qui se situait environ un petit peu au sud du large de la Bretagne. Donc maintenant, avec le réchauffement des eaux, les habitats dans lesquels cette espèce peut évoluer remontent vers le nord et donc on signale des échouages d'individus d'espèces tropicales dans les écosystèmes tempérés, voire boréaux. Donc ça, c'est un petit peu anecdotique. Après, la question, c'est vraiment de pouvoir le quantifier. Je suis peut-être trop loin. Voilà. Donc si la mer se réchauffe à l'échelle mondiale, Thomas Beck parlait de la descente d'échelle, qu'est-ce qu'il en est à l'échelle de la Guyane? Donc vous avez ici une carte qui montre une tendance de réchauffement. Hein, mesuré entre 1985 et 2006, alors à partir de données satellitales. Donc vous voyez ici la position de la Guyane et puis l'Amapá et l'embouchure de l'Amazone. Et donc, eh bien, on peut voir à cette échelle temporelle et spatiale, effectivement, un réchauffement des eaux entre 0,5 et 1 degré sur ces 20 dernières années. Donc ensuite, on a voulu regarder d'un petit peu plus près, descendre encore d'échelle sur la Guyane cette fois. Sur le plateau continental de la Guyane et un petit peu au-delà, en récupérant des données. Et donc, vous voyez, chaque point rouge est une donnée disponible. Et donc, on a quand même une bonne couverture de température, non seulement des données satellites, mais aussi des données mesurées par les navires de commerce. Et tous les navires de commerce disposent de sondes thermiques pour mesurer la température sur le long de leur parcours. Ces données sont ensuite disponibles dans une base de données mondiale.